Le tout c'est d'avoir des idées et de ne pas se les faire prendre. Tout est noté sur un dossier, tout est alloué, gong à vendre. On essaie de se démarquer, s'éloigner de tous ces mégandres. Tu sais, la chose est reniée, nanana, plus qu'accepter par attendre. Est-ce que c'est bon ou j'abandonne? On met des bâtons mais je m'en taponne. Tu te cramponnes. Oh, élève la tête, sois fier. Mais c'est quand t'as un œil derrière. Mais c'est la vie, c'est faux que tu la sers. Mais c'est pas ta place, te laisse personne faire. Original, on a mis les doubles dames, entre son enthousiasme, les aînés que ça agite. Tout, tout, tout, tout, ça joue de la rue, des fantasmes sont une réputée en granit. On a mis les doubles dames, entre son enthousiasme, les aînés que ça. Fantasmes sont une répute en granit. C'est un espace, me tape la pluie. Ton avenir ça te concerne, ça ne regarde que toi. Y'a pas moyen que l'on te sert quand tu ne décides pas. S'te plaît, écoute ça. Le tout c'est des croix. On n'en parle pas, l'intouchable. Il n'est pas nécessaire de voir là pour trouver un chemin praticable. Ougan Original, la contre son enthousiasme, les aînés que ça jette. Tout, tout, tout, tout, ça joue de la rue, des fantasmes sur une répute en granit. Demandez-moi de baisser mon...